doucement je sors de mon être, une bouffée d'oxygène. Mais la nuit me guette, le froid se penche sur mes lèvres, l'attraction m'appelle et je tombe.